na gongota ukabaki bongo ipona bikae ondi makili wa ya soni na gologota otalisi bolingo na yo na gologota na gongota kono kufela kingaye na gongota ukabaki bongo ipona bikae ondi makili wa ya soni na gologota otalisi bolingo na yo na gologota Golgota, Osalisi bolingo na yo na Golgota. Hey, Yesu, Osalisi bolingo na yo na Golgota. Na Golgota, Osalisi bolingo na yo na Golgota. Obwaka maki lokola moto ya pamba, bame maki one kurusu. Lokola hamo yibi Zoka ndekuna ezalaki Lobiko na biso Bato basali feti Bahoya yo baleli Baka nisi yowe libela Tika na yemba Golgota. Merci Seigneur pour l'acte que tu as accompli à la croix de Golgotha. Afinga maki, achola maki Abeta maki, lokola moto azangatina Ekoti anzube, na moto na ye Likonga la mopanzi, makila etangaki Ona zwa bomo que tu accomplis à la croix de Golgotha. Car là, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur toi. Merci. Tu as été méprisé, abandonné des hommes. Tu n'as rien dit. Tu as simplement dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.